par des intelligences qui sont dans le bas astral. Des intelligences qui sont régies par les forces de l'ignorance, par les ce que vous appelez, vous autres, les forces des ténèbres, les forces qui sont en dehors de la lumière. C'est assez facile d'identifier ces influences-là. C'est assez facile de reconnaître ces influences-là. Mais c'est plus difficile de reconnaître les influences qui font partie du domaine évolutif de l'esprit de l'intelligence, mais qui travaillent, qui font un travail quelconque chez l'homme sous l'égide de l'intelligence, sous l'égide des forces de l'intelligence. Mais ce qui arrive chez nous, dans nous, en nous, quand on est tiraillé par l'esprit de l'intelligence évolutive, qui travaille sous l'influence puissante du rayon, et qu'on ne connaît pas la psychologie de cette intelligence-là, là on en souffre. C'est facile de comprendre la psychologie des intelligences retardataires. Elle est totalement négative. Elle est totalement... Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien d'intelligent. Il n'y a rien de bon qui sort. Il n'y a même pas... Au moins, si tu as un oui puis tu as un non, mais tu as un oui au moins. Tu n'as pas qu'un non. Mais quand tu travailles au niveau des forces retardataires ou que tu es influencé, c'est non, puis non, puis non, puis non. Tu n'as pas de jeu, tu n'as pas de possibilité de dire oui puis de dire non. J'essaie de dessiner à main levée, là, et de vous amener à voir, à pas vous, occupez-vous pas ça de l'intelligence. L'intelligence, ça pousse. L'intelligence, c'est la vie, ça fait que ça pousse. Quand tu vas aux toilettes, c'est de l'intelligence qui te pousse. Quand tu manges, c'est de l'intelligence qui te pousse. Quand tu parles, créativement, c'est de l'intelligence. Ça n'occupe pas de ça. Mais c'est où il y a du tiraillement, que là, c'est plus de l'intelligence, c'est l'esprit de l'intelligence. Il n'y a pas de tiraillement dans l'intelligence. L'intelligence, c'est comme l'autre sort, c'est clair. Quand tu fais quelque chose, tu fais une démarche, c'est clair. Mais aussitôt qu'il y a du tiraillement, c'est de l'esprit de l'intelligence. Mais, et c'est là que je veux parler, dans l'esprit de l'intelligence, le tiraillement n'est pas nécessairement négatif. Le tiraillement n'est pas nécessairement négatif dans ce sens, qu'il vous apparaît comme étant négatif parce que vous n'êtes pas encore assez dans votre intelligence. Si vous étiez dans votre intelligence, il n'y en aura plus de tiraillement. Mais comme vous n'êtes pas encore dans l'intelligence, mais vous subissez un peu de tiraillement. Et c'est important que les gens réalisent que le tiraillement n'est pas nécessairement l'action ou l'activité de force qui sont dans le bas astral. Ce sont des forces qui sont dans l'astral, dans le plus haut astral, mais qui sont contrôlées par l'intelligence pour un travail quelconque sur votre mental ou sur votre corps émotionnel. Je vous donne un exemple parce que je prends un exemple qui provient d'un cas que j'ai rencontré cet après-midi qui est intéressant. Il y a des gens qui ont beaucoup de caractère. Ils ont, tu sais, beaucoup de caractère. Puis ça, ce caractère-là, il vient de l'intelligence. Ça vient de l'intelligence. Mais, ayant beaucoup de caractère et faisant face à une situation comme celle que nous connaissons, surtout en relation avec ma personne, souvent, ces gens-là vont être pris dans le jeu de l'esprit de l'intelligence évolutif. Et souvent, ils vont être imposés par cette intelligence-là des conditions psychologiques qui vont les opposer à mon activité ou à mon travail. Parce que ces intelligences-là ne sont pas des intelligences parfaites. Ce sont des intelligences imparfaites, ce sont des intelligences qui ont une mainmise sur le monde, qui ont une mainmise dans le monde, astralement parlant, et qui savent, qui connaissent jusqu'à un certain point les événements futurs de l'humanité, qui savent que l'homme rentre dans un nouveau cycle, et qui savent que dans un certain nombre d'années, ils ne pourront plus manipuler, manifester sur la Terre la puissance qu'ils avaient auparavant, qui a conduit l'homme depuis son berceau jusqu'à aujourd'hui à la formation et à la l'agrandissement de son ego. Alors toutes ces forces-là qui ont servi pour l'homme, qui ont servi dans l'expérience de l'homme, c'est ça qu'on dit dans les textes. On dit à la fin du cycle, ce sera un âge nouveau. Et ce seront les forces de la lumière qui régneront sur la planète. Ce ne seront plus les forces opposées. Alors, les forces opposées, elles, pour bien les comprendre, il faut connaître les lois de leur monde. Il faut... C'est difficile pour l'homme de connaître les lois de leur monde parce que l'homme vit dans la matière et l'homme ne réalise pas que lui est esprit comme ces êtres-là sont esprits. Et sur le plan matériel, l'homme a des zones d'influence. Les Américains dans le monde ont une zone d'influence, les Russes ont une zone d'influence. Les zones d'influence existent toujours dans l'évolution. Et dans les mondes invisibles, il y a aussi des zones d'influence. Et lorsque les temps changent, qu'il y a une réorganisation dans le monde de l'homme, les ondes d'influence dans les mondes invisibles sont automatiquement affectées par ces changements-là sur le plan matériel. Il y a une relation directe entre les mondes invisibles et le monde matériel. Parce que vous savez, quand on est dans le monde matériel, on travaille rien que pour le monde matériel. On a une job, puis c'est rien que pour nous autres. On travaille en relation avec nous autres. Mais dans le monde des esprits, c'est pas de même. Dans le monde des esprits, il y a un rapport étroit entre le monde des esprits et les activités du monde des esprits et le monde matériel. Alors, automatiquement, s'il y a des grands changements dans le monde matériel parce que l'esprit de l'homme change, il y a de grands changements dans le monde des esprits et automatiquement, les intelligences qui sont dans ces plans-là s'opposent à ces changements-là. Ça fait partie de la tension qui existe dans le monde et automatiquement, lui, l'individu qui est en relation avec les vibrations ou avec les pensées émanant de ces mondes-là. Automatiquement, l'individu, lui, est contrarié dans sa psychologie humaine. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il est contrarié dans sa psychologie humaine. C'est quand on est dans l'intelligence qu'on est plus contrarié dans notre psychologie humaine, autrement dit, dans l'esprit de l'intelligence. Mais quand on est, tant qu'on n'est pas dans l'intelligence, que l'esprit de l'intelligence est encore actif en soi, autrement dit, tant qu'on peut penser, on est contrarié dans notre esprit parce que les forces qui travaillent et qui font partie du monde de l'esprit, qui est lié à notre esprit à cause des courants vibratoires des circuits universels, ces forces-là, automatiquement, ont un effet sur nous. Et lorsque des gens rencontrent des gens, soit comme moi-même, ou comme vous-même, ou comme d'autres, qui représentent l'application sur le plan humain, sur le plan matériel, de lois qui ne conviennent pas au monde des esprits, qui font partie du monde de l'esprit d'intelligence, il y a automatiquement une tension. Et l'individu, lui, doit apprendre, doit réaliser la nature de sa psychologie. Pardon. Il doit réaliser jusqu'à quel point ces forces-là, qui font partie de l'esprit d'intelligence, peuvent avoir un effet sur lui et il doit être capable de neutraliser ces effets-là. Et il neutralise ces effets-là, d'accord, il y a des gens qui neutralisent ces effets-là, il y a des gens qui vont dire, il y a des gens qui ne veulent pas venir aux conférences générales, ou il y a des gens qui ne veulent pas venir à des rencontres. Parce que dans l'esprit de l'intelligence, il y a toujours ce combat-là. Mais derrière l'esprit de l'intelligence, il y a toujours une force qui est pousse. Il y a une force qui est pousse. Puis ils viennent pareil. Puis là, ça les met en maudit de venir pareil. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont en maudit de venir pareil? Parce que c'est l'esprit de l'intelligence, ce sont ces autres intelligences-là dans le monde de l'esprit qui influent sur leur esprit et qui leur donnent et qui couleurent l'esprit de leur intelligence. Autrement dit, un homme a son esprit, dans les mondes parallèles, il y a des esprits, et quand il y a une interaction entre deux esprits, on a ce qu'on appelle l'esprit de l'intelligence. Si l'homme n'a pas de contact avec un autre esprit dans les mondes parallèles, il n'y a plus d'esprit d'intelligence, il y a un de l'intelligence. Mais comme l'intelligence, c'est une énergie, c'est une vibration, comme c'est très fort, l'homme ne peut pas vivre, ne peut pas subir tout de suite, vite, trop vite, cette énergie. Alors, il est donné à l'homme d'avoir des relations vibratoire par le biais des courants universels avec des esprits qui sont dans les mondes parallèles. Souvent des esprits qui sont suffisamment de la lumière, suffisamment dans la lumière pour ne pas embrouiller l'esprit de l'homme qui est dans la matière. Fait qu'à ce moment-là, ben, vous allez avoir des êtres qui vont vous parler et vont vous dire, ben, alors les bienfaits, on va le voir. Tandis que les êtres qui sont un peu moins dans cette lumière, automatiquement, dans leur relation avec vous, vont créer des passages d'énergie qui vont résulter en vous en des pensées qui vont vous tirer. Et si vous tombez encore plus bas dans l'échelle vibratoire, mais là, vous allez arriver au niveau du plan astral. Puis si vous tombez encore plus bas, vous tombez encore plus bas dans le plan astral, puis rendu à ce moment-là, ben, moi, naturellement, je suis l'antéchrist ou je suis un écœurant. Vous comprenez-vous ce que je veux dire? Alors, selon la relation que votre esprit a avec d'autres esprits dans les mondes parallèles, parce que l'esprit, ça se communique, ça communique. Alors, automatiquement, vous vivez ce que j'appelle l'esprit de l'intelligence. Et si vous avez des rapports avec des esprits un petit peu plus évolués dans les mondes parallèles, l'esprit de votre intelligence est plus haut en vibration. Fait que ça devient plus facile pour vous autres de me digérer. Alors, il y a un palier, là. Il y a un palier. Alors, la raison pour laquelle je vous explique ceci, c'est pour faire comprendre aux gens qui sont en relation avec des esprits. Avant de vous dire ça, je vais vous dire d'autres choses. Pour vous faire comprendre quelque chose d'extrêmement important. C'est que dans l'univers, que l'esprit soit dans un corps matériel ou non, dans l'univers, il y a un phénomène fondamental. C'est la communication. Et la communication dans l'univers de l'homme, elle est exprimée par la pensée. Tandis que dans l'univers de l'esprit, la communication n'est pas exprimée par la pensée. De sorte que dans le monde de l'esprit, c'est facile de voir avec qui tu communiques. Dans le monde de l'homme, c'est pas facile de voir avec qui tu communiques. Tu peux simplement le juger selon le rapport que tu as avec lui, d'après la nature de la forme qui sert de communication, qu'on appelle la pensée humaine. Quand l'homme est en fusion avancée ou quand l'homme est en fusion, à ce moment-là, il y a encore communication. Autrement dit, il y a encore possibilité de penser, mais c'est une pensée qui est tellement haute en vibration qu'elle n'a plus la coloration inférieure que peut lui donner un esprit dans un monde parallèle. Alors, on appelle ça une pensée objective. Et c'est à ce moment-là que l'homme peut se fier à sa pensée, à la communication, autrement dit, parce que c'est un rapport étroit entre son esprit et la lumière. Mais avant que l'homme soit en relation avec l'intelligence, qui est un niveau d'esprit extrêmement supérieur au monde des esprits évolutifs, parce que dans le monde de la lumière, il y a des esprits. Mais ces esprits-là ne sont pas des esprits évolutifs, c'est-à-dire que ce sont des esprits parfaits. Alors, lorsque l'homme a un contact avec un esprit parfait, au niveau de son esprit devient parfait, c'est-à-dire qu'il est dans l'intelligence. Mais tant que l'homme n'est pas en contact avec des esprits parfaits, parce que ses corps n'ont pas été ajustés, ou que l'évolution n'a pas amené à ce point-là, il est en contact avec des esprits imparfaits qui sont évolutifs, qui sont descendus dans la matière, autrement dit, pour leur propre évolution. Et automatiquement, il y a chez ces esprits imparfaits, même s'ils sont hautement évolués et spirituels, des imperfections qui coïncident avec le tiraillement qu'on vit, nous autres. Comprenez-vous, je veux dire? Si tu es en contact avec un esprit qui n'est pas évolutif, un esprit qui n'a jamais passé par la matière pour son évolution, qu'on appelle des ajusteurs de pensée, mais il n'y a pas de tiraillement. Mais si tu es moindrement en contact avec un esprit qui est évolutif et qu'il est trop bas sur l'échelle de l'évolution, à ce moment-là, vous vivez du tiraillement. Mais les hommes ont tous contact avec un esprit parfait. Et cette poussée que les hommes vivent dans la vie fait partie du contact entre eux et l'esprit parfait. Mais comme aussi ils sont en contact avec des esprits imparfaits, parce qu'ils sont encore dans l'esprit de l'intelligence au lieu d'être simplement dans l'intelligence, ils deviennent prisonniers de l'esprit parfait et de l'esprit imparfait. On est pogné entre la perfection et l'imperfection. On est pogné entre le bon Dieu et le diable. Comment je vous dis? Puis des fois, c'est le bon Dieu qu'on veut, puis des fois, c'est le diable qui nous fait plaisir. On est pogné entre les deux. Parce que on n'est pas capable encore, on n'a pas suffisamment de force, on n'est pas suffisamment dans l'énergie de l'intelligence, autrement dit, de cet esprit parfait, pour pouvoir réellement comprendre l'illusion de la forme de l'esprit imparfait qui se sert de nos pensées pour nous tirailler. Le point que je veux faire, c'est que comme il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont en contact avec des esprits qui sont imparfaits, malgré que l'ajusteur de pensée qui est parfait est en arrière, dans le gros plan de vie, j'invite les gens à comprendre comment moi je fonctionne pour mieux comprendre comment eux peuvent fonctionner. Il y a seulement une façon de vivre dans notre esprit. Et c'est toujours en vertu et en relation de ce qu'on sait être bon, même si on n'aime pas ça. C'est comme l'affaire encore le même problème des remèdes. On n'aime pas ça des remèdes, il n'y a personne qui aime ça des remèdes, mais c'est bon des remèdes. L'intelligence, c'est la même chose. On n'aime pas ça de l'intelligence, on n'aime pas ça cette poussée-là, parce que c'est un remède. Mais on sait quelque part que c'est bon. À moins que l'esprit de l'intelligence ou notre contact avec les plans inférieurs soit tellement fort que ça brouille complètement notre contact avec l'ajusteur de pensée, puis à ce moment-là, on est pas mal dans la merde. Mais les gens qui évoluent, les gens spirituels, les gens qui suivent et qui se recherchent depuis des années et des années et des années, sont des gens qui ont contact avec des niveaux d'esprit dans les mondes parallèles suffisamment évolués pour que la puissance ou le pouvoir de l'intelligence, de l'ajusteur de pensée, ne soit pas totalement oblitéré par la présence des esprits inférieurs qui servent de relais dans les circuits universels. Si j'ai dit. Ouais, ok. Alors, puis comme ces gens sont déjà suffisamment évolués, ça prend très peu, très peu, pour leur faire comprendre la nécessité de réaliser que s'il apparaît que quelque chose peut être bon, que quelque chose peut être réel, que quelque chose peut être important pour leur propre vie, qu'ils ne se laissent pas embobiner par l'esprit de l'intelligence. Parce qu'ils ont déjà la chance d'avoir suffisamment d'intelligence en eux pour leur faire réaliser ça. Je ne perdrai pas mon temps avec un fou. Je ne perdrai pas mon temps avec un fou qui est manipulé par des forces astrales et qui ont totalement sapé sa volonté. Parce que c'est une perte d'énergie. Il est mieux de mourir puis de revenir plus tard. Mais avec des gens qui ont une suffisance d'intelligence, avec des gens qui ont une suffisance de perception intérieure, avec des gens qui ont une suffisance d'intelligence créative, d'intelligence spirituelle, il est possible de faire comprendre à ces gens-là les lois de l'esprit de l'intelligence pour que, quand ils sont tiraillés contre l'intelligence qui est impersonnelle, ils puissent vivre le mouvement que lui impose ou que leur impose l'intelligence sans subir constamment ou trop ce tiraillement. Quitte à le subir pendant un certain temps, le tiraillement, mais au moins quand tu sais que tu es tiraillé, puis tu sais pourquoi tu es tiraillé, puis tu sais que c'est parce que tu es en contact avec certains niveaux d'esprit qui ne sont pas encore suffisamment dans l'intelligence, au moins tu ne souffres pas autant du tiraillement. Tu es tiraillé, ça devient plutôt de l'agacement. Fait que c'est une progression psychologique, ça, de passer d'être tiraillé à passer à être agacé. Parce que quand tu es agacé, déjà, tu es dans ton intelligence, déjà, tu es capable de dire « crissez-moi donc la paix ». Mais tant que tu es tiraillé, tu n'es pas capable de dire « crissez-moi donc la paix » parce que tu ne sais pas avec qui tu traites. Tu ne sais pas si tu t'es mis le pied dans le bon plat ou le mauvais plat. Tu ne sais pas si Bernard de Montréal, c'est l'antéchrist, ou non, un gars qui se désarme à rendre le monde un petit peu plus conscient de leur intelligence. Fait que tu es pogné entre les deux. Fait que si vous êtes agacé, bon, au moins vous commencez à toucher du doigt de votre intelligence. Mais si vous êtes entiraillé, vous n'êtes pas encore conscient de votre intelligence. Alors, quand je dis « occupez-vous pas de votre intelligence », n'oubliez pas une chose, quand je vous parle toujours en connaissance de cause. Je sais exactement ce que je veux dire, puis je sais exactement que ce que je veux dire, c'est pas ce que je dis, puis je comprends parfaitement que ce que je dis, c'est pas ça que je veux dire. Autrement dit, je vous laisse constamment dans un champ d'énergie qui vous amène plus tard à comprendre ce que je veux dire par vous-même. C'est pour ça que ce que je dis, ça devient pour bien du monde maudissant. Parce que, étant encore dans l'esprit de l'intelligence, ils vont être obligés de subir dans leur mental le travail exécutoire de l'esprit de l'intelligence en relation avec ce que j'ai dit. Puis c'est ça qui amène les gens éventuellement à se fâcher, à se rebeller, à prendre une position pour ou contre. Parce qu'il faut qu'on prenne une position pour ou contre. Tu peux pas être pour ou contre. C'est niaiseux être pour ou contre. Décide-toi. T'es mieux être contre qu'être pour ou contre. Moi, j'aime mieux le monde qui me déteste que les gens qui m'aiment et qui me détestent en même temps. Décidez-vous. Au moins, moi, je sais où quoi m'en tenir. Une façon de parler. Mais je comprends qu'il y a des gens qui m'aiment et qui me détestent en même temps. Ça, je comprends ça. Fait que c'est pas ça que je veux dire. Vous voyez comment c'est subtil. Une fois que les gens auront compris que toute pensée, toute communication, que ce soit autrement dit de la pensée consciente, c'est de la communication. De la pensée inconsciente, c'est de la pensée consciente. Tout ce qui se passe dans le cerveau de l'homme, c'est de la communication entre l'esprit de l'homme et l'esprit sur un autre plan. Si l'homme se conscientise, il apprend à connaître les lois de cette relation avec cet esprit-là. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à vivre l'initiation dans le mental et qu'il commence à développer un autre principe qui est le supramental et qui lui permet éventuellement d'être simplement dans l'intelligence, autrement dit, ne plus communiquer avec les esprits inférieurs des éthers astraux, mais de communiquer avec les esprits qui sont totalement en dehors de l'astral, des esprits qui sont simplement dans les mondes de la perfection, dans les mondes de la lumière, et qui s'occupent justement d'organiser, de contrôler l'évolution du cosmos et de l'univers. C'est avec ce monde-là qu'il faut qu'on parle. Puis quand je dis que c'est avec ce monde-là qu'il faut qu'on parle, je dis bien avec ce monde-là, parce que c'est du monde. C'est pas du monde comme nous autres, parce que nous autres, on pense que du monde, c'est du monde solide. On n'est pas capable de s'imaginer que du monde, c'est pas du monde. Mais c'est effectivement du monde, ce sont des mondes. Ce sont des mondes. Et c'est à notre avantage de communiquer avec du monde dont l'intelligence est parfaite, plutôt que de communiquer avec du monde dont l'intelligence est imparfaite et qui crée en nous à cause de l'imperfection de notre intelligence et à cause de la communication avec nous, ce que j'appelle l'esprit de l'intelligence. Alors, dans l'esprit de l'intelligence, il y a énormément de variations. Dans l'esprit de l'intelligence, il y a de l'intelligence souvent très, très haute, très raffinée, très, très grande. La philosophie, ça fait partie de l'esprit de l'intelligence, c'est très beau. Mais au moins, c'est des communications entre l'homme et des hauts niveaux de l'intelligence. Des hauts niveaux de monde. Mais c'est pas de l'intelligence pure. Tu peux être en communication avec un esprit qui est dans des sphères très, très, très, très, très élevées. Tu vas créer de belles philosophies. Tu vas créer de belles musiques. Tu vas créer de belles choses. Mais tu n'es pas encore en relation avec les esprits qui sont dans les mondes parfaits. Autrement dit, les ajusteurs de pensée. Autrement dit, le point vers lequel s'en va l'homme. Alors, automatiquement, pour en arriver à ceci, il se produit dans l'homme, quand il se conscientise, des états émotifs, des états intérieurs qui sont pénibles, qui sont durs à supporter, qui sont révoltants, qui nous fâchent, qui nous créent toutes sortes de réactions. Et c'est, mes chers amis, normal. Ça ne peut pas être autrement. Si vous êtes simplement dans l'esprit de votre intelligence et que vous n'avez pas suffisamment d'intelligence pour voir et comprendre un petit peu, non pas par l'intellect, mais sentir un petit peu que ce qui se passe en vous, c'est bon, parce que ça vous amène à être autre chose que ce que vous étiez, ben à ce moment-là, vous perdez notion de votre avenir. Vous perdez notion de votre demain. Vous perdez notion de votre être. Vous perdez notion de votre paix. Vous avez encore et vous demeurez encore dans la notion de ce que vous étiez avant, qui n'était pas un avenir, qui n'était pas votre devenir, qui n'était pas votre être-té, qui n'était pas votre intelligence, qui ne faisait pas partie de votre intelligence, mais qui faisait partie de tout le réseau imprimé sur la terre, dans le cerveau des hommes, et créé par l'esprit de l'intelligence. Autrement dit, vous, avant, vous aviez du fun, c'était le fun, vous étiez actif, vous aviez des relations, vous aviez des moments de bonheur, mais vous n'étiez pas conscient. Autrement dit, vous n'aviez pas accès à vous-même, c'est-à-dire que vous n'aviez pas accès à votre intelligence, c'est-à-dire que vous n'aviez pas accès à la paix intérieure que tout homme doit avoir, paix qui coïncide avec son intelligence, paix qui coïncide au moins avec un rapport, avec des intelligences qui sont dans les mondes parallèles, mais qui sont suffisamment évoluées pour augmenter en nous la prescience de l'intelligence qui nous est due demain. Moi, je suis convaincu qu'il y a sur la Terre, d'ailleurs, le contact entre les initiés planétaires a toujours été l'expression même de ce que je vais dire. Je suis convaincu qu'il y a sur la Terre des hommes qui ne pourront pas dans cette vie connaître la fusion de leur intelligence simplement parce qu'ils n'auront pas été capables de voir à travers l'intelligence le jeu de l'esprit de l'intelligence. Et même s'il était permis à ceux qui viennent donner une instruction à l'homme de se manifester autrement que par les moyens rudimentaires dont ils se servent, ça ne changerait rien, parce que l'esprit de l'intelligence de l'homme ferait de ces hommes des magiciens. On est stupide à ce point-là. Alors, la seule façon pour l'homme d'entrer dans son intelligence, c'est de réaliser d'abord qu'il y en a une, même si elle n'est pas forte, même si elle n'est pas permanente, et qu'elle est constamment en combat avec l'esprit de son intelligence. Et à partir de ce moment-là, l'homme peut commencer à avancer, puis avancer, puis avancer, puis avancer, puis avancer, puis avancer, puis à un certain moment, commencer à se sentir un petit peu mieux dans sa peau, puis un petit peu mieux dans sa peau, puis un petit peu mieux dans sa peau, un petit peu plus solide, un petit peu plus solide. Puis éventuellement, mais tu commences à sentir la solidité, puis ça grandit, puis ça grandit, puis ça n'a plus de fin. Alors, l'homme passe d'un plan de vibration à un autre, et éventuellement, il se sait. Il est bien avec lui-même, et il ne souffre plus de son passé. Il n'est plus intéressé à son passé. Il a vécu la souffrance de son présent, mais c'est une petite souffrance, parce que cette petite souffrance de 6 mois, puis de 7 mois, puis d'un an, puis de 2 ans, ça n'a aucune contre-mesure avec la conscience. De pas. On ne retournera pas en arrière. On ne souffrira pas 2 fois ce qu'on a souffert. On n'est pas bête à ce point-là. Mais ce qu'on doit souffrir pour passer à travers cet esprit de l'intelligence qui bloque toujours notre intelligence, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Mais ça vaut être la peine après qu'on l'a vécu. Pendant qu'on l'a vécu, ça ne vaut pas de la marre. Ça ne vaut pas la peine. Parce que la souffrance, ça ne se valorise pas. Tu ne peux pas valoriser de la souffrance, à moins d'être bien spirituel, là, de souffrir. Parce qu'il y en a une même. Hein. Il y en a qui aiment ça, souffrir. Ils veulent se sanctifier. Mais sanctifiez-vous. Vous allez souffrir après. Ça varie avec chaque individu. Il n'y a pas un individu qui vit l'esprit de son intelligence pareil. Parce que l'esprit de l'intelligence sert en soi. Surtout si elle est plus évoluée, elle sert. Je vais donner un exemple, je vais prendre Manon. Manon, avant, elle se faisait dire par l'esprit de son intelligence, « Occupe-toi pas tes enfants, là. Assieds-toi à terre en cuisine. Fais rien, fais pas de cuisine, là. Fais pas ton lavage aujourd'hui, là. » Fait qu'elle faisait rien. Fait que les enfants mangeaient pas, puis elle a le cul à terre, elle faisait rien. Jusqu'à temps que Bessette y fasse comprendre un jour l'importance de la volonté. Qu'est-ce que c'est de la volonté? C'est la manifestation de l'intelligence dans l'homme. Fait que la volonté et l'intelligence, ça va ensemble. Fait qu'elle commence à combattre, puis elle commence à combattre, puis de temps en temps, elle disait, assieds-toi dans la terre, reste donc là. Elle disait, mange là, on la marche, je me lève. Elle se levait. Elle en avait quatre, elle. Tu sais, quand tu dis ça, vous autres, vous cassez la tête parce que vous avez un contact. Elle en avait quatre, Charlie. Sais-tu que c'est du travail, ça? Quand tu es obligé de répondre à quatre personnes en même temps, pendant des années de temps, puis tu te demandes pourquoi est-ce que tu deviens maigre comme un pic, je comprends, elle est vide. Mais ça l'a servi parce qu'elle a appris à développer de la volonté, puis de la volonté, puis de la volonté, puis de la volonté. Puis aujourd'hui, ils sont encore là. Des fois, ils donnent un break, mais ils n'ont plus le pouvoir sur elle qu'ils avaient. Là, c'est elle qui commence à prendre contrôle de son être par sa volonté. Donc, automatiquement, elle commence à reprendre un petit peu du poids. Puis elle commence à être de bonne humeur. Puis elle commence à faire ses affaires. Autrement dit, elle commence à fonctionner. Elle l'a compris, elle. Fait que si la petite Manon, qui est pognée avec quatre entités, quatre esprits, qui constituent l'esprit de son intelligence, puis est capable de faire descendre la volonté ici, puis développer de l'intelligence, pour toujours contrebalancer ça, il n'y a pas de raison pour que les gens en général qui en ont un ne soient pas capables d'en faire autant. Et c'est évident que quand t'es pogné avec une situation comme ça, c'est pas un cadeau. C'est pour ça que dans ce temps-là, t'as besoin des amis, t'as besoin des amis. Ils viendront un jour dans votre vie, vous autres, où il y a des gens que vous rencontreront qui auront besoin d'une certaine amitié. Mais au moins dans ce temps-là, vous serez plus dans l'esprit de votre intelligence à un point où elle puisse vous créer des illusions puis vous vider. Bessette, il se vide pas, Bessette. Si tu as des problèmes, tu l'appelles, il va te parler. Pardon. Il va te parler, il va essayer de t'expliquer ça le mieux qu'il peut, mais il va pas se vider parce que il a compris ça. Fait que quand vous aurez compris ça, de pas vous vider, mais vous vous servirez de votre intelligence et vous pourrez aider l'esprit de l'intelligence d'autres personnes, mais pour vous, ça sera un plaisir jusqu'à temps que ça coupe la vibration, puis après ça, vous arrêtez. Sans ça, tu te vides. Là, t'es pogné dans l'esprit de ton intelligence. Là, tu veux sauver tout le monde. Parce que parler, c'est plaisant quand t'es dans l'intelligence. Et parler, ça devient un pouvoir quand t'es dans l'intelligence. Et parler, c'est sans fin quand t'es dans l'intelligence. Fait qu'à ce moment-là, ça te nourrit mentalement, ça te nourrit. Moi, je me nourris quand je parle. Mais faut que tu sois suffisamment dans l'intelligence pour empêcher les abus de l'intelligence, de l'esprit d'intelligence, qui voudrait que tu parles, puis tu parles, puis tu te vides, puis tu te vides, puis tu te vides, puis que tu répondes à tout le monde, puis tu répondes au téléphone de tout le monde. C'est ça qu'on doit apprendre. Alors, ce que vous autres, vous aurez appris, probablement à travers mes activités ou à travers les activités d'autres personnes apprendront plus tard à travers les vôtres. Parce que vous parlerez toujours dans la vie. Il ne s'agit pas d'être mandaté pour faire quelque chose, pour faire quelque chose. Il s'agit de pouvoir dire quelque chose, pour faire quelque chose. Puis quand tu peux dire, je te ferai plus de la merde. Quand tu peux parler, tu peux faire quelque chose. Mais quand tu peux parler dans ton, avec ton intelligence, pas parler seulement avec le support de l'esprit de ton intelligence, parce qu'eux autres, ils vont te dire, bon, ben, tu devras faire quelque chose. Tu devrais ouvrir une école. Tu devrais sauver l'humanité. Tu devrais aller aux Indes. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Il joue votre gueule. Quand t'es dans l'intelligence, c'est un plaisir de faire ce que tu fais. Mais c'est sous ton contrôle à toi. C'est toi qui run le show. C'est moi qui décide quelle heure je vais arrêter de parler après-midi. C'est pas eux autres. Fait que là, c'est plaisant. J'essaie de vous donner des nuances, vous faire comprendre les nuances de la différence entre l'esprit de l'intelligence et l'intelligence de l'esprit. Alors, comme tous les hommes sont en contact avec des plans quelconques des éthers, il est évident que les hommes doivent faire attention, même s'ils sont en contact avec des plans de l'éther qui sont plus évolués que d'autres, l'homme doit faire attention, et l'homme devra faire attention jusqu'à temps qu'il soit dans son intelligence. Alors, quand t'es dans ton intelligence, t'as plus besoin de faire attention parce que t'as plus à combattre des intelligences inférieures qui créent en toi l'esprit de l'intelligence, parce que t'as plus d'esprit d'intelligence, t'as une de l'intelligence. Fait que t'as plus à combattre, t'es bien, tu fonctionnes. T'as ton propre cadran, you write your own ticket. Fait que si tu veux ouvrir une école, tu n'ouvres une parce que tu veux. Puis si tu veux faire de la boulangerie, t'en fais une parce que tu veux. Puis si tu veux pas parler, tu parles pas parce que tu veux. C'est toujours parce que tu veux. Fait qu'à ce moment-là, tu vis comme tu veux. Mais si tu commences à te faire manipuler pour des bonnes raisons spirituelles qui coïncident avec les états d'esprit, des esprits dans ces plans-là, ben, t'arrêteras plus. Tu vas te faire pousser une barbe, puis tu pourras pas porter de cravate, puis tu pourras pas avoir de sexe, faire l'amour de ta femme. Faut que tu portes une grande robe blanche. Parce que ça fait partie de leur monde, ça fait partie des illusions de leur monde, puis ils t'imposent jusqu'à temps que tu comprennes. C'est pour ça que leur travail, à un certain niveau, est très important, parce que ils t'amènent, eux autres, en créant des illusions, à les dépasser. C'est en vous créant des illusions qui vous amènent à les dépasser, des illusions. À toute action, il y a une réaction. L'action, c'est eux autres, la réaction, c'est vous autres. Fait que quand vous commencez à comprendre les lois d'action et de réaction, vous êtes totalement au-dessus de ça, et à ce moment-là, vous êtes bien. Vous êtes plus susceptible à être niaisé. Vous pouvez plus être niaisé. Ils sont plus capables de vous niaiser parce qu'ils sont plus dans votre tête. Ou s'ils sont dans votre tête, ils savent que vous savez. Fait qu'ils peuvent plus vous niaiser. Fait que là, ils sont obligés de marcher devant vous autres puis vous ouvrez la vie. Là, ils marchent devant vous autres, là, ils vous aident. Mais d'ici à ce temps-là, ils marchent en arrière de vous autres puis ils vous poussent. Puis là, vous pâtissez. Je prends des exemples comme Bessette, parce que ce sont des exemples qui sont extrêmement valables. C'est pas un enfant d'école, Bessette. Mais il est suffisamment dans son intelligence pour pas se faire emmerder par les esprits qui communiquent avec lui et qui créent ce qu'on appelle l'esprit de l'intelligence. Il voit clair. Alors, quand un homme comme ça voit clair, mais là, il peut t'aider à voir clair, puis quand un homme a vu clair, il peut aider un autre, fait que c'est une chaîne qui se répandra autour de la Terre. Mais il faut que ça commence quelque part. Puis comme moi, je vois bien clair, j'engendre ce mouvement-là et aucune force ne l'arrêtera. Ok, ils peuvent essayer, c'est pas grave. Puis c'est en vous autres qui essayent, pas en moi. C'est en vous autres, puis ils s'essayent, puis ils s'essayent, puis ils s'essayent, puis ils s'essayent, puis ils s'essayeront jusqu'à temps qu'ils ne pourront plus s'essayer.